Ce jeudi à Assemblage requis, on reçoit Maxime Lemularamé qui nous fait des surprises dans son blog Télécharge quoi. Et comme tous les jeudis, on vous présente une capsule de Vidon Ladon la question qu'on est allé chercher loin cette semaine. Ouais, on l'a défossilisé, toi. Assemblage requis, cet après-midi, 15h.